Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Onzième épisode, les chevaliers du chloroforme. Frédéric Bondona, André de Maubreuil et leurs fiancés Ravenel et Pagano ont donc rejoint Oscar Tournesol à New York. Ils sont persuadés que c'est en Amérique qu'ils retrouveront la trace de Prosper Bondona, le célèbre naturaliste français qui a été enlevé, nous le savons, par les lords de la main rouge. Malheureusement, depuis leur arrivée à New York, toutes leurs recherches ont échoué. Il ne leur reste qu'un seul espoir, rendre visite au Lunatic Asylum à Baruch Yorkel, l'assassin de Gaston de Maubreuil. Bien sûr, ils ignorent que le malheureux aliéné enfermé au Lunatic Asylum de Greenaway n'est pas Baruch, mais Joey Dorgan, métamorphosé en Baruch Yorkel grâce à la science infernale du diabolique docteur. Vite, au Lunatic Asylum, dépêche-toi. Il faut que nous y soyons avant la police. Avant la police, sir? Les ennuis de M. Johnson sont donc aussi sérieux qu'on le dit dans les journaux. Pire encore, j'ai appris de sources sûres que la police devait l'arrêter aujourd'hui même. C'est dommage, sir, il vous était pourtant utile. Très utile! En effet, c'est moi d'ailleurs qui lui avais obtenu ce poste de directeur au Lunatic Asylum de Greenaway. C'était plus commode pour surveiller notre faux Baruch Yorkel. Et tout cela à cause de l'affaire Hirschman. Oui, à cause de l'affaire Hirschman. Quand je pense que c'est par mon intermédiaire que la famille de ce milliardaire de Chicago a réussi à le faire interner au Lunatic Asylum. Mais Johnson a eu tort. Il n'était pas nécessaire, malgré l'insistance des héritiers, de le faire mourir aussi vite. C'est vraiment un imbécile. Le résultat, c'est que les journaux se sont emparés de l'affaire et l'accusent d'avoir séquestré et assassiné Hirschman. Ah, vite, Lionel. Il faut absolument que j'empêche Johnson de commettre d'autres erreurs. Pourquoi vous craignez qu'il parle, sir? Oh, de toute façon, il ne sait pas grand-chose. Et puis, comme tu le sais, nous avons les moyens de l'obliger de se taire. Trop tard. La police est déjà là, sir. En effet, des coups de feu. Johnson aurait été... Attends-moi ici. Que se passe-t-il donc ici? Cet homme est en état d'arrestation. Qui êtes-vous? Excusez-moi, mais à qui ai-je l'honneur? Steffel, chef de la police de New York. Je vous ai demandé qui vous étiez. Voici ma carte, cher monsieur Steffel. Docteur Cornelius Cramp. Excusez-moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous et c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Excusez-moi encore une fois. Ce n'est rien. Mais enfin, que reproche-t-on au docteur Johnson? Il est accusé d'assassinat et en plus il a essayé de s'échapper en tirant sur mes hommes. Monsieur Johnson, si tout cela est exact, vous êtes la honte de notre corporation. Mais évidemment, ce n'est pas parce que l'on vous arrête que vous êtes obligatoirement coupable. J'espère que M. Steffel ne m'en voudra pas de le dire, mais la justice n'est pas infaillible, n'est-ce pas? Pas plus à New York qu'à Paris ou à Londres. Et si vous êtes innocent, comme je l'espère, vous avez eu grand tort de tirer sur les agents de l'autorité. M. Steffel, m'accorderiez-vous une faveur? Avec plaisir, cher maître. M. Johnson suit un de mes malades et j'aurai quelques renseignements à lui demander avant son arrestation. Et vous comprendrez que le secret professionnel m'oblige. Non, mais je vous en prie, je comprends très bien. Si vous voulez passer dans la pièce à côté, nous attendrons. Je vous remercie, nous ne serons pas loin. Docteur Johnson, je vous en prie, après vous. Écoutez, Johnson, l'affaire est sérieuse. Mais je vous tirerai l'affaire. Seulement, je vous demanderai de vous en tenir à ce qui a été entendu entre nous. S'il vous arrivait de parler, vous seriez un homme mort. La main rouge... Je ne l'oublierai pas. Je l'espère, sinon... Alors, docteur, comment va notre malade? Eh bien, votre traitement semble réussir, sir, et... Réussir, c'est-à-dire... Eh bien, il est en voie de guérison. Que dites-vous? Stock vous expliquera. Vous pouvez lui faire confiance, il fait partie de l'association. Oui, une minute. Nous avons presque fini. Eh bien, allons-y. Ah, j'oubliais. Tenez, de la part de la main rouge, prenez ce flacon de cyanure, on ne sait jamais. Voilà. Je vous rends votre prisonnier, cher monsieur Stephen. Au revoir, cher confrère. Voici ma main. Je vous l'attends sans arrière-pensée, car je vous crois innocent. Je vous remercie, cher maître. Ah, stop, vous étiez là. Eh bien, vous expliquerez au docteur Cornelius ce que vous avez observé chez son malade. Alors, stop, il paraît que mon malade est en voie de guérison. De guérison, on ne peut pas dire exactement cela, mais il donne depuis hier des signes manifestes de logique et de bon sens. Ah, en êtes-vous sûr? Alors, en le prenant par la douceur, j'ai réussi à le faire parler. Parmi les phrases que j'ai retenues, il y en a une qui m'a particulièrement frappé. Et c'est? Quelles que soient les difficultés contre lesquelles j'aurai à lutter, je sortirai coûte que coûte de cette infernale prison. Il a dit cela? Très intéressant. Très, très intéressant. Eh bien, je vous remercie, stop. Je vais de ce pas aller l'examiner. Il s'appelle. Eh bien, vous parlez tout seul maintenant. Ah, docteur. Docteur, je vous en prie, je vous en supplie. Guérissez-moi, aidez-moi. Mais je suis ici pour cela, mon cher. Comment cela va-t-il aujourd'hui? Mieux, oui. Beaucoup mieux. Il me semble que je sors lentement d'un brouillard. Avec beaucoup d'efforts, j'arrive même à me rappeler certains faits. Ah bon, lesquels? Racontez-moi. Je me souviens d'un combat sanglant avec des bandits. Je me souviens de mon père, de mon frère. Mais je n'arrive pas à retrouver leur nom. Il s'appelle... Oh, ma tête, je m'appelle... Non, je n'y arrive pas. Et surtout, n'essayez pas de faire d'efforts. Ne vous fatiguez pas. Cela viendra tout seul. D'ailleurs, je constate aujourd'hui un mieux très sensible. Vous avez conscience que vous avez perdu la mémoire. Et c'est déjà un grand pas en avant. Docteur, je suis sûr que si vous me disiez mon nom, cela hâterait ma guérison. Surtout pas. Il est indispensable que ce soit votre cerveau qui fasse tout seul ce travail de reconstitution. Par contre, je puis vous faire une piqûre d'un sérum céphalique qui produira une amélioration très rapide, êtes-vous d'accord? Oui, oui, je vous en prie, docteur, faites-la vite, aidez-moi, guérissez-moi. Très bien. Êtes-vous prêt? Eh bien, penchez un peu la tête. Oui, comme cela. Je vais vous piquer derrière l'oreille, vous ne sentirez presque rien. Voilà, c'est fait. Maintenant, je réponds du résultat. Oh, ma tête. Au secours, je tombe. Maman. Ah, monsieur Joy Dorgan, l'opération délicate que j'ai tentée sur votre cerveau n'était pas tout à fait terminée, mais grâce à ma grande découverte sur ce sérum céphalique, vos cellules, qui allaient redevenir normales, sont maintenant à nouveau détruites. Un légume! Voilà ce que vous êtes, monsieur Joe Dorgan, un légume! Vous êtes mon chef-d'œuvre, monsieur Dorgan. Et puis, je peux bien vous le dire maintenant, vous êtes la preuve vivante de la culpabilité de Baruch. Au cas où il s'aviserait de trahir la main rouge. Hein? Au revoir, monsieur Joe Dorgan. À bientôt. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? En effet, nous cherchons le directeur du Lunatic Asylum. Pourriez-vous nous renseigner? Mais qui êtes-vous, si je ne suis pas indiscret? Nous sommes français. Ah, vous tombez bien. Je suis le directeur de cet asile. Ah, enchanté, monsieur le directeur. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle André de Maubreuil, mademoiselle Frédéric Bondonna et monsieur Ravenel. Monsieur le directeur. Quant à moi, je m'appelle Antoine Pagano. Et... Enchanté. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien, nous souhaiterions voir, si cela est possible, bien sûr, un malheureux qui est enfermé ici. Il s'appelle Baruch Yorgel. Baruch Yorgel? Baruch Yorgel, je suis désolé, mais c'est impossible. Malheureusement, vous tombez très mal. Ce malade vient de faire une crise de démence et nous avons été obligés de lui mettre la camisole de force. Mon Dieu. Vous comprendrez, je pense que les visites lui sont rigoureusement interdites. Essayez de revenir dans une semaine, il ira peut-être mieux. Mais... Veuillez m'excuser, mais mon chauffeur m'attend, une visite urgente. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Enchanté. Enchanté. Leonello. Sir? Leonello. Viens ici. Tu vois ces quatre jeunes gens qui s'en vont là-bas, suis-les. Il faut absolument que je sache où ils demeurent. Ensuite, tu préviendras mon frère et Baruch que je les attends ce soir chez moi. Tu leur diras que c'est très très urgent. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Leonello. Alors, as-tu pu savoir où loger les Français? Oui, sir, ils sont descendus au Preston Hotel. Et Fritz et Baruch, que font-ils donc? Les as-tu prévenus? Oui, sir, ils ne vont pas tarder. Mais je venais également vous apporter un message télégraphique venant de l'île des Pendus. De l'île? Donne. Ah! Je m'y attendais, c'était sûr. Des ennuis, sir? Bondonna a essayé de s'évader. Heureusement, mes hommes veillaient. Les voilà enfin. Va leur ouvrir, Leonello. Bonjour, Leonello. Où est mon frère? Bien, que se passe-t-il donc de si urgent, Leonello? Eh bien, Cornelius, que se passe-t-il? Pourquoi cette convocation urgente? Et aurions-nous des ennuis? Bonsoir, bonsoir. Un peu de sérieux. Asseyez-vous. En effet, nous avons des ennuis. Et il s'en est ajouté un depuis que je vous ai fait appeler. Notre ami Bondonna a essayé de s'évader. Mais dites-moi, comment a-t-il pu faire? Il a utilisé l'aéronef qu'il construisait pour nous, heureusement. Nos hommes ont réussi à le retenir au moment où il allait prendre place dans la nacelle. Où étaient déjà montés leur Buridan, le Peau-Rouge Cloum et le chien. Ces trois-là ont réussi leur évasion. Quant à nous, nous avons perdu l'aéronef. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai demandé de venir. L'affaire Johnson? Aucun problème, il ne parlera pas. Il sait trop à quoi il s'exposerait, aucun danger de ce côté-là. Mais qu'y a-t-il d'autre encore? Eh bien, en quittant le Lunatic Asylum cet après-midi, j'ai rencontré quelqu'un qui venait tout droit de France. De France? Oui, mon cher Baruch. Et plus particulièrement de ce charmant village breton où vous avez laissé des souvenirs. Enfin, je dirais... Oui. Oh, mademoiselle de Maubreuil. Oui, mon cher. Mademoiselle de Maubreuil est en Amérique. Mais elle n'est pas seule. J'ai pu ainsi faire la connaissance de mademoiselle Frédéric Bondonna, de monsieur Antoine Pagano, votre heureux rival, si j'ai bonne mémoire, et de monsieur Roger Ravenel. Mais que font-ils en Amérique? Mais que voulez-vous qu'ils y fassent? Ils cherchent Bondonna. Et puis, vous assurez qu'ils ne perdent pas leur temps. Ces jeunes gens sont très dangereux, très dangereux. Mais dites-moi, ils ont vu le vrai Joey Dorgan? Non, pas encore. Parce que il faut absolument les en empêcher. Avec les fous, on ne sait jamais. Enfin, Baruch, douteriez-vous de ma science? Ne vous ai-je pas donné assez de preuves de mon pouvoir? N'en êtes-vous pas un exemple vivant? N'êtes-vous pas devenu un autre homme depuis que je vous ai transformé en Joe Dorgan? N'avez-vous pas acquis un certain charme qui fait que les autres à présent vous acceptent, à condition bien sûr qu'ils ne se trouvent pas sur le chemin de votre folle ambition? Et l'autre, Joe Dorgan, le fou que vous dites, n'en est-il pas un autre exemple? Je l'ai transformé en légumes. Ah, avec ma science, j'ai le pouvoir de transformer tous les hommes en légumes. Et les légumes ne parlent pas. Vous entendez? Les légumes ne parlent pas. Calmez-vous. Calmez-vous, Cornelius. Nous vous admirons, vous le savez bien. Allons. Et personne ne met en doute votre science. Ne parle pas. D'ailleurs, vous connaissant, je suis sûr que vous avez déjà trouvé le moyen de nous débarrasser de ces Français. Le moyen, en effet. En effet, j'ai trouvé le moyen. Ah, je me demande ce que vous feriez sans moi. Tenez, regardez. Le voici ce moyen, tenez, prenez. Mais c'est une pompe à bicyclette. En effet, mais je ne vous souhaite pas d'avoir à vous en servir pour votre usage personnel. Vous voyez cette pointe qui sort de l'appareil? Eh bien, il en sort un gaz qui peut, selon la dose, endormir ou faire mourir celui qui le respire. Mais quel gaz avez-vous donc inventé? Oh, un gaz que j'ai appelé le chloronal. C'est tout simplement l'essence du chloroforme que j'ai réussi à débarrasser des éléments qui lui donnent son odeur caractéristique. Mon gaz, à moi, n'a aucune odeur. Et il est 10 fois plus puissant. Inutile que je vous explique comment nous allons nous en servir. Non, bien sûr. Mais encore faut-il savoir où les Français demeurent. Ils sont descendus au Preston Hotel. Et ce soir même, ils recevront la visite d'hommes dévoués à la main rouge. Qui introduiront dans les serrures la pointe métallique de cette pompe à bicyclette. Et ainsi, tout sera résolu. Et si je comprends bien, cette soirée sera décisive. Oui, la soirée sera décisive. Oh, quelle chaleur. La vue est vraiment extraordinaire de cette terrasse. C'est curieux, je n'ai pas sommeil. Pourtant, il est assez tard. Mlle André et Mlle Frédéric sont allées se coucher très tôt ce soir. Puis M. Pagano et M. Ravenel ont gagné leur chambre il n'y a pas longtemps. Vous avez l'air d'avoir sommeil. Oh, quelle chaleur dans cette ville. Je m'habituerai jamais à ces gratte-ciel. Enfin, ici, au moins, je les vois plus. Heureusement que j'ai découvert cet escalier que je connaissais pas et je suis drôlement bien sur cette terrasse. Alors tu viens ? Chut, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce qui peut venir ici à une heure pareille ? Bon, y a personne. Nous sommes très bien pour causer ici, y a pas un chat. J'ai surveillé l'ascenseur. Pas un seul voyageur n'est monté sur la terrasse depuis au moins une heure. Tout le monde dort. Les Français aussi ? Nom de Dieu, écoute de nous. Plante-toi, Oscar, et ouvre tes esgourdes. Il n'y a plus de lumière dans leur chambre. Elle bossue. Il doit dormir aussi. Y a pas de lumière chez lui. Et je l'ai entendu il y a une heure souhaiter le bonsoir aux autres. Je crois que le moment est bon. Tu as l'instrument ? Voilà. J'ai aussi reçu les instructions des lords de la main rouge. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec une pompe à vélo ? Tu vois, c'est tout simple. Tu regardes d'abord s'il n'y a pas de lumière dans la chambre des deux jeunes filles. Tu écoutes au besoin pour être sûr qu'elles sont bien endormies. Si tout va bien, tu introduis dans la serrure cette petite pointe métallique et tu pompes doucement. C'est tout ? C'est tout. Cette pompe est chargée d'une sorte de poison qui endort. Et qui ne laisse aucune trace, à ce qu'il paraît. Alors c'est pour ça qu'on nous appelle les chevaliers du clan. Exactement. Est encore une invention des savants de la main rouge. Ces gens-là sont puissants. Il vaut mieux être avec eux que contre eux. Ouais, ça c'est sûr. Alors tous les Français vont y passer ? Non. Les deux filles seulement. Ce seront les ordres. Ah, autre chose. Une fois que ce sera terminé, il faudra qu'on fiche tout en l'air dans la chambre. La main rouge tient absolument à ce que la chambre ait l'air d'avoir été pillée. T'es prêt ? Allons-y. Ah, les salauds! Vite, faut absolument que je donne l'alerte! Oh, bon Dieu, ils ont fermé la porte de l'escalier de secours! Oh, rien à faire! Bon, l'ascenseur! Oh, le bouton s'allume plus, ils ont dû le débrancher! Oh, bah, qu'est-ce que je peux faire? Oh, ils vont tuer Mademoiselle André et Mademoiselle Frédéric, et moi je suis enfermé sur cette terrasse! J'aurais dû leur sauter dessus! Mais voilà ce qu'il me faut! Les cordes qui attachent les parasols. Allez, vite! Voilà. J'attache la corde à la balustrade. Je la laisse pendre. Ouais, ça va. Elle arrive juste 3 étages plus bas. J'enjambe la balustrade. Vite! Faut faire vite. Oh là là, c'est bas, tout en bas. Et regarde pas le vide, Oscar, sinon tu lâches tout. Allez, va, laisse glisser, va. Oh! Ah, mes mains. Un étage. 2 étages, 3 étages, c'est là. Encore un petit effort. Allez, ah, me v'là sur le balcon. Allez, vite, tant pis pour le zigoto qui pionce dans cette piole-là. Allez. Monsieur, monsieur, ouvrez vite. Mais qu'est-ce que... Oscar, mais qu'est-ce que tu faisais sur le balcon? Je t'ai pas vu passer, moi. Je dormais. Monsieur Pagano, c'est un coup de peau que ce soit vous. Vite, suivez-moi, il y a des bandits de la main rouge dans les chambres de Mademoiselle André et de Mademoiselle Frédéric. Quoi? Mais vite, vous avez pas le temps de vous habiller. Elles sont peut-être mortes alors qu'il est. Mais... Mais vite, la pompe à vélo, il y a une pompe à vélo au feu, au feu, à l'assassin, mais, la pompe à vélo, mais, il est devenu fou, il est devenu fou. Oscar! Oscar, attends-moi! Oscar! Vite, monsieur Pagano, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu? Il paraît qu'il y a une bombe dans l'hôtel. Et les voleurs sont sur le toit! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pompe à bicyclette, voyons? Mais dites-moi, c'est vrai que l'hôtel brûle? J'ai vu de la fumée. La violine femme. Il y a personne. Pagano. Oh, Pagano, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ce bruit? Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Mais pas le temps de vous expliquer. Oscar est devenu fou. Allez, venez, venez, venez. Vite, il faut défoncer la porte. Aidez-moi. Regardez là-bas, au fond du couloir, c'est les chevaliers du chloroforme. C'est eux qui viennent de tuer Mademoiselle André et Mademoiselle Frédéric. Tenez, regardez dans la serrure, là, c'est une pompe à vélo, vous comprenez maintenant? Et défonçons la porte, allez, tous les trois ensemble! Un, deux, trois! Ah, ça y est! Vite, ouvrons les fenêtres! Je me cherche la fenêtre, là. Oh, trop tard! On est arrivés trop tard, elles sont mortes! Non, non, non, non! Elles respirent encore, Frédéric. À peine, mais elles respirent. Oscar! Oscar, cours vite chercher un docteur. J'y vais. Vite, vite, Oscar. Mon Dieu, c'est de devenir fou. Le cœur d'André bat de moins en moins fort. Oh, Oscar avait raison. Oh, ce médecin qui n'arrive pas. Et si nous attendons encore, elles sont perdues. Vous avez raison, Roger. Attendez. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Tenez. Ah. Tenez. Prenez cette ordonnance. Descendez vite. Au drugstore en bas, il est ouvert toute la nuit. Allez-y, je vais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà le docteur, il voulait pas venir, alors il a fallu que je le force. Ah. Alors, docteur, c'est bien un empoisonnement au chloroforme, n'est-ce pas? Au chloroforme? Pourquoi un empoisonnement au chloroforme? Il n'y a aucune odeur de chloroforme ici. Nous sommes tout simplement en présence d'une double syncope toute naturelle qui se dissipera d'elle-même. Enfin, c'était vraiment pas la peine de me déranger pour si peu. Vous plaisantez, j'espère. Je ne plaisante pas, je vous ai dit mon opinion, il ne me reste plus qu'à m'en tirer. C'est cela. Allez-vous-en. Je ne sais pas ce qui me retient de vous envoyer mon poing dans la figure. Ou bien vous êtes un ignorant, ou bien vous êtes complice des chevaliers du chloroforme. Non. Mais, chevalier du chloroforme? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ne vous mettez pas en colère. Si vous voulez, je veux bien essayer de... Inutile! Sortez! Sortez tout de suite, monsieur Siloge! Madame, voilà, tenez. Voilà ce que vous m'avez demandé. Alors, comment vont-elles? Toujours pareil. Là. Voilà. Alors, je remplis les deux seringues. Oh, que ça cesse de l'excès. Alors, Frédéric, d'abord. Allez, Ravenel, aidez-moi, soulevez le drap. Hein? Enfin, Pagano. Mais vite, vite, allons, ce n'est pas le moment de faire des manières. Merci. Là. Voilà, c'est fait. À rentrer maintenant. Antoine, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, ma chemise, excusez-moi. Roger, Frédéric, mais quelle heure est-il donc? Mais vous n'avez pas honte? Vous ici dans ma chambre et dans cette tenue? Frédéric, mais comment osez-vous? Non, non, non, mademoiselle, je vous en prie, excusez notre tenue, mais vous couriez un très grave danger sur le courage et le sang-froid de notre ami Oscar. Oh, Oscar, vous seriez morte. Morte? Oui, morte. Morte, oui. Mais comment cela? Les chevaliers du chloroforme, mademoiselle André, la main rouge. Ils étaient sur la terrasse et par hasard, j'ai tout entendu. Ils avaient décidé de vous supprimer, ils ont utilisé cet instrument, là, regardez. Passe alors, il y a un instant, il était encore là. Eh hey, ah. Oui. Il est évident que les bandits possèdent des complicités dans la place. C'est et que certain. Mais c'est effrayant. Mais d'un autre côté, c'est finalement assez encourageant. Encourageant? Comment ça? Mais bien sûr, André a raison. Si les ravisseurs de mon père n'avaient pas peur d'être découverts, ils ne chercheraient pas à se débarrasser de nous. Donc cela prouve que nous sommes sur la bonne piste. Exactement. Et maintenant, il s'agit simplement de mieux nous organiser. Oscar. Oui, mademoiselle André. Tu es toujours sûr que Monsieur Fred Jorgel est décidé à nous aider? Ah oui, mademoiselle, il me l'a encore dit hier. Alors il est temps que tu nous le fasses rencontrer. Oui. C'est que... Eh bien, qu'y a-t-il, Oscar? Pourquoi cette hésitation? Il y a, mademoiselle, qu'on prépare le mariage de Miss Isidora et que Monsieur Fred Jorgel, il est plutôt occupé. Eh bien, nous attendrons quelques jours. Le célèbre milliardaire Fred Jorgel mettra-t-il ses milliards au service de la délivrance de Bondona? Vous le saurez en écoutant la suite du stupéfiant docteur Cornelius. Prochain épisode, la lèpre verte. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Loria d'après le roman de Gustave Le Rouge. 11e épisode, Les chevaliers du chloroforme. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Max Vial, Emmanuel de Chartres, Maya Simon, Catherine Laborde, Pierre Constant, Gilles Guillot, William Corinne, Didier Conti, Maurice Gauthier, Yves Gérard, Jean-Marie Richier et Jean Martin. Musique du générique Jean Vienner. Bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 11 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.